Vous écoutez Futur Simple à CKRL 89.1, Nathalie Quinard au microphone. Il y a quelques semaines, Marie-Claude Dionne nous emmenait en Égypte pour nous parler du pillage des tombes des pharaons. Ce soir, elle poursuit sur le même thème. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Nathalie. Oui, en effet, ce soir, je vais parler de prévention de pillage des tombes. Donc oui, j'ai déjà abordé le sujet il n'y a pas si longtemps avec la pyramide de Khéops. Puis on s'en souvient peut-être, là, je parlais d'une découverte qui avait été faite entre autres par une équipe de scientifiques de l'Université Laval. Je disais essentiellement qu'il y avait une salle creuse dont la fonction nous était encore inconnue, qui avait été découverte, et j'en étais venue à parler du système de sécurité de cette pyramide-là, afin de préserver, de conserver les corps et les objets très précieux pour les pharaons qui voyagent dans l'après-vie. En d'autres mots, les architectes égyptiens de l'époque des pharaons avaient conçu cette pyramide-là de manière à empêcher le plus possible, la meilleure façon qu'ils pouvaient connaître le pillage. Et on n'en doute aucunement que c'était la même chose pour les autres tombes pharaoniques et même ailleurs. Et la nécropole de Tel el-Farka n'est pas étrangère justement à cette réalité-là. Pourquoi le nom de Tel el-Farka me dit quelque chose, Marie-Claude? Mais parce que j'en ai parlé il y a plusieurs mois de ça, peut-être même une année, là, ça fait quand même assez longtemps, mais en fait, il s'agit d'un site archéologique qui est situé au nord du Caire, en Égypte, qui date d'environ il y a 3500 ans avant notre ère. Et j'en parlais parce qu'on venait d'y faire une découverte qui concernait l'utilisation de la brique crue. Et je relatais également les débuts des sépultures monumentales, donc un style architectural qui va donner naissance justement aux pyramides telles qu'on les connaîtra quelques dynasties plus tard. Mais aujourd'hui, on parle plutôt de sépultures de tombes plus modestes, disons. Des tombes des gens qui proviennent de la classe moyenne. Le site contient à peu près une centaine de sépultures qui ont été divisées par les scientifiques et les chercheurs en trois catégories temporelles. Donc, on a ceux qui vont dater de la période proto-dynastique. On a ensuite la première dynastie et la troisième catégorie, c'est celle qui vont concerner les débuts de la deuxième dynastie. Ce grand nombre-là de tombes, de sépultures, en fait, va apporter un grand lot d'informations pour les archéologues et, en fait, elles permettent de donner une bonne vue d'ensemble des différents types et pratiques et ou techniques qui ont été utilisées afin de prévenir et de contrer le pillage des tombes. Alors, allons dans le vif du sujet. Quelles techniques furent utilisées afin d'empêcher le vol des sépultures sur ce site? En fait, dans toutes les pratiques qui ont été recensées à Tel el-Farka, on en a regroupé en deux types, soit celles qui sont structurales, comme des chambres funéraires qui vont être attachées à des superstructures, en fait, de les cacher, ou celles qui ont plutôt misé sur l'espace intérieur. Ça, je vous dirais que c'est plutôt l'utilisation du remblai, entre autres. Le site archéologique va offrir aussi une chance d'analyser l'efficacité de ces types de pratiques-là, parce que plusieurs sépultures n'ont jamais été perturbées par le vol, donc ils n'ont jamais été pillées, mais il faut quand même dire qu'on en retrouve qui ont été certainement pillées, et même des fois, on voit même des tentatives de pillage. Donc, on va voir des trous creusés à côté des sépultures, mais on voit que ça n'a pas été si peu de succès, parce que le contenu est toujours présent. Alors, parlons un peu de ces différentes techniques-là. Les tombes qui ont été sécurisées par une voie structurelle, entre autres, c'est un effort qui certainement va demander un moyen de sécurité. Ça demande un moyen de sécurité qui est assez facile à comprendre dans son élaboration, parce que c'est juste qu'on veut préserver le contenu de la sépulture, qui est toujours précieux, surtout quand on compare, disons, aux tombes qui sont plutôt simplistes des classes sociales. On va avoir toujours une technique derrière. On retrouve dans ces cas précisément là des simples trous dans le sol. Donc, c'est assez simpliste. C'est une forme qui n'est pas du tout élaborée. Alors, à quoi ressemble une sépulture typique des gens de la classe moyenne? Il s'agit d'une structure qui est en briques crues le plus souvent possible, avec une structure qui va être en briques cuites, donc plus solide. Le plus souvent, on va retrouver une chambre ou une salle qui est là où on va déposer le corps du défunt. Les chambres funéraires de ce type de sépulture-là sont normalement creusées à 1,5 m du sol. Mais il y a quand même quelques exemplaires sur le site archéologique qui vont ressembler, si on veut, davantage à des puits, parce qu'elles sont vraiment creusées plus profondément profondément dans le sol. C'est assez inhabituel, il n'y en a pas beaucoup sur le site. Entre autres, on pense que c'est la difficulté de creuser dans le sol sur ce site-là, parce qu'on tombe assez rapidement sur le roc, donc c'est pas facile. Dans tous ces exemples-là de tombes, on a en fait des mastabas, donc c'est celles qui sont les précurseurs des pyramides, c'est celles qui vont avoir une super structure par-dessus, mais c'est sûr qu'a priori, c'est des tombes qui sont plus difficiles à piller parce qu'on ne voit pas à proprement parler la chambre funéraire parce que c'est plus creusé dans le sol. Mais c'est sûr qu'avec la mégastructure aussi, ça permet de faire une petite prévention plus facile. On pourrait croire que l'utilisation de mégastructures rime avec richesse, mais dans le cas présent, tu nous parles de gens appartenant à la classe moyenne, non? Mm-hmm, exact. Comment explique-t-on alors qu'on ait consacré autant d'efforts, de temps, d'argent aussi sur ce type d'architecture et de protection? Oui, c'est quand même assez bizarre. On se dit qu'ils sont pauvres, donc ils ont peut-être moins d'argent pour le faire. Je vous dirais que selon moi, il y a deux choses. C'est une tombe monumentale, donc celle qui est une mastaba avec sa structure, va donner certainement une prestance aux défunts ou aussi à la famille. Et de l'autre côté, il y a toujours l'idée de l'après-vie. Donc c'est sûr que ce côté-là structural permet de conserver le corps et les objets sur terre. Les objets, il faut le rappeler, sont très utiles dans l'après-vie pour un défunt, pour le corps mort. En fait, on suppose que ces objets-là vont être utilisés par le défunt dans l'après-vie. Fait que c'est sûr que si on a une construction par-dessus la tombe, qu'elle soit petite, grande, élaborée ou pas, ça pouvait facilement dissuader une tentative de vol. Mais au final, les constructions massives, c'est pas nécessairement un moyen qui est fiable ou efficace de protéger le contenu d'une tombe. C'est pourquoi on n'a pas le choix de voir d'autres pratiques à Tell el-Farka qui vont permettre de sécuriser un peu mieux les lieux, si on veut, ou les objets à l'intérieur. La technique la plus simple qu'on voit, c'est de couvrir le corps et les vestiges par un paillasson, un genre de petit matelas, un petit tapis. Par contre, cette pratique-là, on la retrouve dans les tombes qui sont très richement décorées. Mais il y a aussi les gens très pauvres où il n'y a pas nécessairement d'objets où on va retrouver ce petit tapis-là. Donc, c'est peut-être plutôt une façon pratique à ce que le corps ne soit pas en contact direct avec la terre. Parce qu'on s'entend que ça ne protège pas tant du pillage. Mais bon, une façon qui a été peut-être un peu plus efficace, c'est de remplir la tombe de morceaux de briques. C'est sûr que c'est plus difficile avec ce remblayage-là de trouver un corps là, quand c'est rempli par des morceaux de briques. Par contre, il me semble que c'est moins pratique, non? Oui, en effet, parce que s'il y a beaucoup de briques, ça amène un certain poids et malheureusement, ça peut affecter le corps, mais aussi les objets funéraires qui sont un petit peu plus fragiles dans certains cas. Éventuellement, la technique va changer. On va opter plutôt pour de la terre au lieu de remplir de morceaux de briques. Sauf qu'encore là, le problème va quand même briser le contenu de ces tombes-là. Donc, le problème persiste. On va noter une autre pratique également qui va arriver lors de la deuxième dynastie. C'était celle de remplir la tombe de boue. Donc là, c'est sûr, c'est pas fou. Hein? C'est assez difficile d'avoir accès aux objets et au corps aussi du défunt. En fait, c'est même très difficile à creuser pour un archéologue là, plusieurs décennies, voire siècles après coup. Mais la boue devait sûrement donner un taux d'humidité élevé. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça ne fait pas devancer la décomposition des corps enterrés? Oui, en effet, c'est autant que c'est un moyen efficace pour contre le pillage, plutôt, ça a un effet assez néfaste pour la conservation du corps à très long terme. Par contre, un fait intéressant, on suppose que l'utilisation de la boue, comme le remblai, est attestée dans tous les objets également. Donc, on l'utilisait pour boucher soit des pots, des vases ou des jarres qui avaient été faites en pierre ou en poterie, en céramique. Toutefois, ce qu'on note, c'est que ces objets-là ne sont pas du tout remplis, ils sont vides. Donc, on a bouché quelque chose qui n'avait peut-être pas un côté pratique à la chose. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a mis de la boue dans ces contenants-là. Est-ce qu'on peut supposer que la boue avait une fonction peut-être autre, quelque chose de plus symbolique? C'est possible. Peut-être qu'elle était un symbole de l'après-vie, d'un concept quelconque de renaissance, un peu comme l'a déjà joué l'ocre ailleurs dans le monde, mais aussi même d'ailleurs à Tell el-Farka, qui est une pratique funéraire quand même connue sur le site archéologique. Finalement, peut-on dire que ces moyens pour sécuriser les tombes étaient réellement et globalement efficaces? Ouais, je peux pas exactement me prononcer avec certitude, mais disons qu'à l'exemple pour le site archéologique de Tell el-Farka, on peut dire qu'il y a un certain potentiel intéressant. Le cimetière en tout et partout a été préservé quand même assez considérablement. On compte seulement 5% des sépultures qui ont été pillées, comparativement à un nombre beaucoup plus élevé de tombes pillées à travers les époques, les âges et le monde. Mais il faut aussi dire que c'est peut-être un chiffre un peu trop dérisoire. Parce que 5%, c'est vraiment peu sur 100, une centaine de tombes. Est-ce que ça laisse peut-être présager qu'il y avait d'autres choses, un autre moyen de sécuriser le tout? Peut-être. Hein? Il y avait peut-être un gardien qui protégeait ou peut-être qu'on avait le droit à une société ultra honnête. On le sait pas. Mais c'est sûr qu'au final, on n'a pas le choix de poursuivre les recherches sur ce site archéologique-là et continuer les analyses pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé à Tell el-Farka. Effectivement. Ben, merci Marie-Claude pour ces explications super intéressantes. Nous allons faire une pause et vous revenir pour vous parler de diabète.